Il y a l'homme, la terre, les bêtes, le ciel et le natural mystique. Et le natural mystique. Et le natural mystique. Et le natural mystique. Et le natural mystique. Natural high. Do it, John. Oh, you mean? There's a natural mystic going through the air. Oh, you mean? of creativity and language.